Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 23. Malheur accablant de Tyr. Hurlez, vaisseau de la mer, parce qu'a été dévastée la maison d'où les navires avaient coutume de venir. C'est de la terre de Sétim que cela leur a été révélé. Gardez le silence, vous qui habitez dans l'île. Les marchands de Sidon traversant la mer t'ont rempli. Au milieu des grandes eaux, la semence du Nil, la moisson du fleuve était ses fruits, et elle est devenue le marché des nations. Rougis, Sidon, car la mer parle. La force de la mer, disons, je n'ai pas été en travail, et je n'ai pas enfanté, et je n'ai pas nourri de jeunes hommes, et je n'ai pas élevé de jeunes vierges. Lorsque le bruit sera parvenu en Égypte, on sera dans la douleur en apprenant la ruine de Tyr. Passez les mers, hurlez, vous qui habitez dans l'île. N'est-elle pas la vôtre, cette ville qui, dès les anciens jours, se glorifiait de son antiquité? Ses pieds la conduiront dans une terre étrangère pour demeurer. Qui a formé ce dessein contre Tyr? Autrefois couronnée, dont les marchands étaient des princes et les trafiquants des personnages illustres de la terre. C'est le Seigneur des armées qui a formé ce dessein, afin d'enlever l'orgueil de toute gloire et de conduire à l'ignominie tous les illustres de la terre. Traverse ta terre comme un fleuve, fille de la mer. Il n'y a plus de ceinture pour toi. Le Seigneur a étendu sa main sur la mer. Il a brisé des royaumes. Il a donné ses ordres contre Canaan afin de briser ses vaillants guerriers. Et il a dit, « Tu ne te glorifieras plus, souffrant violence, après ton ignominie, vierge fille de Sidon. Lève-toi, passe à Sétim. Là aussi il n'y a pas de repos pour toi. Voilà la terre des Chaldéens. Il n'y eut point un tel peuple. Assour l'a fondée. Cependant, on a emmené en captivité ces hommes robustes. On a démoli ces maisons et on en a fait des ruines. Hurlez, vaisseaux de la mer, parce que votre force est détruite. Et il arrivera en ce jour-là que tu seras dans l'oubli. Ô Tyr, 70 ans, comme sont les jours d'un seul roi, mais après 70 ans, Tyr chantera comme une prostituée. Prends ta harpe et parcours la ville, prostituée livrée à l'oubli. Chante bien, réitère souvent ton chant, afin qu'il y ait souvenir de toi. Et il arrivera, après 70 ans, que le Seigneur visitera Tyr, et qu'il la ramènera à son commerce, et que de nouveau elle forniquera avec tous les royaumes de la terre sur la face de la terre. Et ses affaires et ses profits seront consacrés au Seigneur. Ils ne seront pas renfermés ni mis en réserve, parce que c'est pour ceux qui habitent devant le Seigneur que sera leur commerce, afin qu'ils mangent à satiété et qu'ils soient revêtus jusqu'à la vieillesse. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.